Autant d'astres, autant d'humanités étranges, diverses, s'approchant des démons ou des anges, dont les planètes font autant de nations. Un groupe d'univers, en proie aux passions, tourne autour de chacun de mes soleils de flamme. Dans chaque humanité sont des cœurs et des âmes, miroirs profonds, ouverts à l'œil universel. Dans chaque cœur, l'amour. Dans chaque âme, le ciel. Tout cela naît, meurt, croît, décroît, se multiplie. La lumière en regorge et l'ombre en est remplie. Dans le gouffre sous moi, de mon aube ébloui, globe, grain de poussière au loin épanoui, toi, zodiaque, vous, comètes éperdus, tremblants, vous traversez les blêmes étendus, et vos bruits sont pareils à de vagues clairons, et j'ai plus de soleil que vous de moucherons. Mon immensité vit, radieuse et féconde. J'ignore par moments si le reste du monde, errant dans quelque coin du morne firmament, ne s'évanouit pas dans mon rayonnement.